Chapitre 5e, une idylle. Depuis plus d'un an, Marc et moi, nous nous étions avoués notre amour réciproque. Mon désir était de faire durer au moins une année encore cette période toute pleine de charme. Marc habitait avec nous et, le plus souvent, prenait ses repas à notre table. Ce seul fait confond les stupides racontars des journaux. Depuis qu'il prenait la garde de nuit à l'usine, je l'accompagnais souvent après le dîner, où j'allais le chercher lorsque son tour se terminait à 11 heures. Quand nous sortions de l'usine, après que Lucien eut remplacé Marc et que j'eus souhaité une bonne nuit à mon frère et meilleure chance, nous partions côte à côte. Nous prenions le chemin des écoliers. Au lieu de suivre la grande route, nous suivions des sentiers de traverse. Nous passions ordinairement par un petit bois de chêne qui était délicieux à parcourir. Un étroit fossé que traversait une planche marquait la limite du bois. Négligeant d'ordinaire son pont rustique, nous le franchissions d'un saut, Marc me tenant par le bras. Ce soir-là, mon pied porta à faux contre une motte de terre, une taupinière peut-être. Je ressentis une vive douleur. Je dus m'asseoir un instant dans le pré humide. « Si nous étions mariés, me dit Marc, je vous porterai jusqu'à la maison. Je vous soignerai si bien que vous seriez tout de suite guéri. Mais je n'ai même pas le droit de vous soigner. » Était ce petit accident qui m'avait mise de mauvaise humeur, je répondis avec quelque ironie. « Je n'ai aucune hâte d'épouser un garde malade. » Marc fit la moue. La date de notre mariage était souvent un sujet de discussion entre nous. Il était plus pressé que moi. Il aurait voulu une date précise qui lui aurait permis de prendre patience. Quand je refusais en riant, il me menaçait, mi-sérieux, mi-fâché, d'épouser Madame Thévenel. Oui, c'est la même qui a joué son rôle dans le drame et en a été une des victimes. Madame Thévenel occupait au bureau de l'usine un poste de secrétaire. Elle était bien âgée seulement de 24 ans, veuve depuis plusieurs années d'un contremaître dont les services avaient toujours été regrettés par mon père. Madame Thévenel était une femme charmante qui avait refusé plusieurs demandes en mariage. Peut-être vous en indiquerai-je la raison tout à l'heure. La première, j'avais parlé d'elle à Marc parce qu'elle travaillait dans la même pièce que lui. Je n'étais pas jalouse d'elle, certes non. Jusqu'alors, c'était bien innocemment que nous nous étions taquinés mutuellement à cause d'elle. Pourtant, je sais que cela aussi a été retenu contre nous. Marc possède un excellent caractère, bien qu'il soit têtu. Grâce à sa patience, nos discussions n'étaient jamais graves. Pourtant, quelle capricieuse fiancée je faisais. Ce soir-là, je lui dis avec agacement « Épousez-la, votre Madame Thévenel, elle a mieux que moi, puisque tous les hommes tournent autour. Encore faudra-t-il qu'elle vous acceptât. Vous aurez de nombreux rivaux. » « Je sais, » dit-il sourdement. « Votre frère, par exemple, il se reprit. Est-ce bête de plaisanter ainsi avec l'amour ?» Il essaye de me prendre la main. Je la retire. Il me dit avec chagrin. « Nous gâtons cette belle soirée. » Je me lève avec vivacité. « Venez, » dis-je, « si vous préférez rentrer. » Maintenant qu'il est trop tard, je pense qu'il avait raison. Tout le long des jours, nous gâtons notre vie. Il faudrait sentir plus profondément leur fuite irréparable, la seule réalité. « Écoutez, Nelly, dit-il, il faut m'expliquer. Quoi donc? Pourquoi vous paraissez fâché contre moi? Contre vous? Pas du tout. Seulement, je ne sais pas si je vous aime. » Il a fait « Oh !» La main qu'il avait avancée vers moi est retombée le long de son corps. « Ce n'est pas sérieux, tout à fait. » À peine ai-je dit cette phrase que j'en suis mécontente. Pourtant, je ne me délirais pas pour un empire. Il s'est placé devant moi, me forçant à m'arrêter. Nous formons un groupe singulier sous la lune claire. « Nelly, dites-moi que vous m'aimez ou je me tue. » C'était bien tragique. J'ai l'éclat de rire au nez. « Vous êtes de plus en plus ridicule. Je serais curieux de connaître le genre de mort que vous avez choisi. »« Je me tuerai avec ceci. » Il tire de sa poche un revolver, un vieux revolver ancien modèle avec un canon et un chien démesuré. Je lui prends l'arme et l'examine avec dédain. « Pouf ! » fis-je. « Pas même un Browning. Je voudrais pas me tuer avec un outil pareil. » Brusquement, Marc m'arracha l'arme des mains. J'eus une seconde d'angoisse. Il ne m'avait pas habitué à cette brutalité. Il remit le revolver dans sa poche. Nous arrivâmes rapidement à la maison. Aussitôt arrivés, nous nous quittâmes très froidement. Quel remords j'éprouve en songeant que je n'avais aucun grief contre le pauvre garçon. Je ne revis Marc que le lendemain au déjeuner. Il me proposa de l'accompagner jusqu'à Monzy, où il se rendait dans l'auto de mon père pour faire certains achats. J'acceptais. Arrivés dans la petite ville, nous laissâmes l'auto au garage du grand hôtel et nous fîmes nos courses à pied. Nous fûmes aperçus par beaucoup de monde. On me regardait avec une certaine curiosité. J'étais connu comme la fille du plus grand industriel de la région et aussi d'un homme politique auquel on s'accordait à prédire un bel avenir. À l'époque des élections au conseil général, le nom de mon père s'étalait sur tous les murs. Nous entrâmes dans la boutique d'un armurier. Marc demanda à Browning. J'eus un petit sursaut. Le patron sortit de ses plaques vitrées tout un assortiment de petites armes noires et bleues d'acier à la forme inquiétante et rogue. Marc choisit le plus cher et le plus perfectionné. Un bijou que je pouvais tenir entièrement caché dans mon poing. Quand nous fûmes sortis, il me dit « Jugez-vous cette arme plus digne de m'ôter la vie pour vos beaux yeux ?» J'aurais évidemment plus de plaisir à me suicider avec cette arme-là. Mais comme vous êtes rancunier, Marc, j'entrevois une vie heureuse avec vous. Dans l'auto, il me donna son vieux revolver. « Gardez-le, me dit-il. Il vous témoignera que vos moindres désirs seront toujours pour moi des ordres. » Je le mis dans mon sac. Qui sait, il pourra me servir, puisque des bandits s'acharnent contre nous. En route, cependant, je me laissai prendre un baiser sur la main, en signe de réconciliation. Mademoiselle Alstine s'arrêta. Elle prit son mouchoir brodé de deuil pour essuyer les larmes qui naissaient à ses paupières. Je dis, croyant avoir compris, « Il est curieux que l'hypothèse d'un suicide raté n'ait pas été envisagée pour expliquer les blessures de M. Marc Brunet. » Mademoiselle Alstine secoua la tête sans répondre. Elle pleurait doucement, le visage appuyé contre le dossier capitonné de la banquette.